إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم إخوة الإيمان وأخواتي mes frères et mes sœurs. Première des choses, on demande qu'Allah nous réunisse dans l'au-delà, dans le jardin du Firdaus, comme il nous a réunis ici dans cette assise où on évoque Allah et où on apprend notre religion. ومجالس العلم إخوة الإيمان, les assises de ilm, c'est les assises qui ont le plus d'importance auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, car on apprend notre religion. Et on adore notre Seigneur à la basira, avec clairvoyance. Et quelqu'un qui adore Allah avec clairvoyance et quelqu'un qui l'adore avec ignorance, ce n'est pas pareil. Idan nuwasil bi'idhnillah, on suit le cours d'hier. Parmi les points qu'on n'a pas énoncés hier, si une personne commence le jeûne alors qu'il est muqim, il est citadin. Par exemple, aujourd'hui, tu as commencé le jeûne avant le fajr. Tu as fait le sahur. Puis, dans la journée, tu pars en voyage. Que ce soit dans la matinée, ou après le dhuhr, ou après l'asr, et même avant le maghrib. Quand tu as dépassé les maisons construites de ta ville, c'est-à-dire que tu passes, tu arrives dans les champs, sur la route. Par exemple, Paris et sa région, c'est considéré comme une ville, toute l'agglomération parisienne. C'est pas, par exemple, tu sors de Montmagny, tu peux rompre le jeûne. Là, il faut que tu dépasses, par exemple, si tu vas vers le nord, ça y est, tu es parti sur la nationale 1, mashallah, ça y est, tu es dans les champs, tu n'as plus de ville, ou tu as dépassé les villes. Là, tu peux commencer à rompre le jeûne. Idan, si quelqu'un a commencé à jeûner la journée, et qu'il voyage au cours de la journée, il lui sera permis de rompre son jeûne, même s'il avait commencé le jeûne, alors qu'il était citadin. Une fois qu'il est voyageur, une fois qu'il a dépassé la ville et il est parti, il va aller dans une distance lointaine, 100 km, 150 km, je ne sais combien, alors il lui sera permis de rompre le jeûne. Non. De même, une personne qui travaille, par exemple, livreur, ou bien facteur, taxi. Mais facteur, taxi-livreur, ceux qui livrent loin et qui sont taxis dans des endroits lointains. Par exemple, de Paris à Rouen. De Paris à Auxerre, de Paris à Lyon. Celui-là, même s'il part dans une même journée et il revient, il lui sera permis de rompre le jeûne et de rattraper à un autre moment. Par exemple, si le jeûne il est en été et lui il travaille en été, il va loin. C'est fatigant pour lui. Avec le voyage plus le jeûne, il aura le droit de rompre et de rattraper ses jours de Ramadan pendant l'hiver par exemple, où les jours ils sont plus courts. Pourquoi ? لأنه مسافر, car il est voyageur. إذن المسافر يجوز له الفطر. كذلك, les conducteurs d'avion, c'est la même chose. Les pêcheurs, ils partent 2-3 jours en mer, ils reviennent. Ils auront le droit aussi de rompre le jeûne. ولكن, celui qui est dans un bateau, et dans ce bateau-là, il habite avec sa famille. C'est un voyageur. C'est sa vie comme ça. Sa maison, c'est son bateau. Celui-là, il ne sera pas permis de rompre le jeûne. Celui-là, il est considéré comme un muqim, comme quelqu'un qui est citadin. Car sa maison à lui, et son endroit de résidence, c'est son bateau. Même s'il ne fait que voyager toute sa vie. Il fait le tour du monde, par exemple. Non. Quelqu'un, par exemple, il est dans une caravane, dans une grande caravane, ils dorment dedans, ils mangent dedans, ils vivent dedans avec les enfants, avec chez les gitans par exemple. Hein? Cheikh l'Islam, il a déjà parlé de ces gens-là, parce qu'à l'époque, il y avait des nomades. Et les nomades, comment ils faisaient? Ils ont un endroit où ils sont en été, Ils ont un autre endroit où ils sont en hiver. Les gitans, c'est pareil si tu regardes bien ici. Quand ils sont arrivés à l'endroit où ils restent en été ou en hiver, ils n'ont pas le droit de rompre le jeûne. Mais sur la route, en allant d'un endroit à l'autre, ils auront le droit de rompre le jeûne. Naam. Kadhalika at-talib, un étudiant qui vient de l'étranger par exemple. Il est venu en France pour étudier. Celui-là, une fois qu'il est resté ici, il va étudier plusieurs mois, il va rester un an. Celui-là, il ne lui est pas permis de rompre le jeûne, ni même de diminuer la prière. Bien que certains ulama ont fait cette fatwa, mais le sahih, c'est qu'il ne lui est pas permis. Parce qu'il est comme le muqim, il est installé. Il est installé. Je connais des gens, ça fait 5 ans qu'ils sont ici. Il a une femme, il a un travail, il a un appartement jusqu'à maintenant, il fait la prière qasr. Il diminue sa prière. Il dit, moi, je n'ai pas l'intention de m'installer ici. Je suis là juste pour un besoin. À n'importe quel instant, je peux prendre ma famille, ma femme et partir. Je lui dis, Akhi, ça fait 5 ans. Tu as un appartement, tu as un emploi, tu as tout. Comment ça, tu élargis les facilités comme ça? Même, je lui ai dit, même moi, je vois qu'il n'y a pas un temps de voyage. C'est-à-dire qu'on va dans un endroit... même si on reste un mois, deux mois, tant qu'on est voyageur, on est considéré comme un voyageur. Pourtant, si je vais aller dans un endroit rester plus de 4 jours, je vais faire quand même le Ramadan et je vais compléter ma prière parce que je sais que certains ulama disent ça, ihtiyatan, par sécurité je vais le faire. Au minimum le jeûne. Voilà, Kim, toi ça fait 5 ans que tu es ici, ça ne te dérange pas. Il faut faire attention dans l'islam et ne pas trop s'approcher des limites qui pourraient nous faire tomber dans le haram. Bien sûr, il y a des facilités, mais il faut rester dans les limites de ces facilités. Naam. Une autre question en ce qui concerne al-musafir. S'il retourne du voyage chez lui, pendant une journée de jeûne, pendant Ramadan, pendant le voyage, il avait mangé, il était voyageur. Il arrive chez lui à Salat al-Dhuhr. Est-ce qu'il lui sera obligatoire de jeûner le reste de la journée ou non? Lui, il n'est plus voyageur, il est citadin. Donc, il finira sa journée, mais quand même, il devra rattraper cette journée. Qu'il finisse ou non cette journée-là de jeûne, il devra quand même la rattraper. Car un jeûne n'est valable que du matin jusqu'au soir. Si par exemple, quelqu'un est arrivé au Dhuhr, il commence à jeûner jusqu'à le Maghrib, il ne comptera pas cette journée de jeûne. Cette journée, il devra quand même la rattraper. Pourquoi il ne mange pas? Pourquoi il est en jeûne? Car ça y est, il n'est plus voyageur. Il est citadin. Donc, la permission qui était sur lui, elle ne le suit plus. Il est rentré des citadins. Sauf que comme il n'a pas commencé la journée de jeûne, il devra la rattraper. Non. Si tu voyages dans un pays pendant le Ramadan, et pendant ce voyage-là, tu arrives dans un pays qui n'a pas commencé le jeûne le même jour que dans le pays où tu étais, ou bien qui ne finit pas le jeûne en même temps, comment tu devras faire? Tu devras rompre le jeûne en même temps qu'eux. Même si ça dépasse 30 jours. Si tu as jeûné 31 jours, c'est pas grave. Tu jeûneras le 31e jour. Allah, il te comptera une journée en plus dans tes hasanat, walhamdulillah, et tu feras l'aïd en même temps qu'eux. Par contre, si tu as jeûné que 28 jours, et ils font l'aïd, un mois, ça peut jamais faire 28 jours. Un mois de Ramadan, ou n'importe quel mois. Dans l'islam, c'est ou 29 jours, ou 30 jours. Donc si tu n'as jeûné que 28 jours, ou 27 jours, ça arrive rarement, mais on ne sait jamais, tu fais l'Aïd avec eux, et tu devras rattraper un ou deux jours, c'est-à-dire pour arriver à 29, pas pour arriver à 30. Tu jeûneras les jours qu'il te manque pour arriver à 29 jours de jeûne après l'Aïd. Le Aïd tu fais avec eux, là tu ne jeûnes pas le jour de l'Aïd. Après l'Aïd tu rattrapes deux jours ou un jour de Ramadan. Si tu avais fait que 28 jours, tu rattraperas un jour de Ramadan. Et si tu avais fait 27 jours, tu rattraperas 2 jours de Ramadan.